14-19 observations. Le temps qui passe, le jour et la nuit, matin, midi et soir. Alors, le jour, 6 heures, c'est le matin. 12 heures, c'est midi. L'après-midi, 18 heures, le soir, la nuit, 0 heures, minuit, 6 heures, le matin.